Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Air Cocaïne. Ou comment un groupe de Français aurait tenté d'importer des centaines de kilos de drogue en provenance des Caraïbes dans un petit avion privé. Le 19 mars 2013, alors qu'ils s'apprêtent à décoller de l'aéroport de Punta Cana en République Dominicaine, quatre Français sont arrêtés par les unités de la section antidrogue à bord d'un jet privé avec 26 valises contenant 700 kilos de cocaïne. Condamnés à 20 ans de prison par la justice dominicaine, ces quatre Français dénoncent un coup monté. À Paris, une enquête est lancée et les commanditaires présumés sont arrêtés et incarcérés. On trouve parmi eux un jet-setter et un caïd de banlieue. Cette histoire nous donne l'occasion d'explorer l'univers de l'aviation d'affaires, ce monde où des gens se déplacent de pays, en jet privé donc, sans être réellement contrôlés par la douane ou la police. Argent liquide, œuvres d'art, or ou drogue, tout peut se transporter discrètement dans un petit appareil. 5 ans après les faits, 11 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. Elles seront jugées à partir du 18 février, là, dans quelques jours. Notre récit est basé sur leurs témoignages, délivrés à la justice et à la presse. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Piera, journaliste indépendant, spécialiste des affaires de crimes organisés et co-auteur avec Marc Le Plongeon de l'ouvrage « L'affaire Air Cocaïne, Mafia et Jet Privé ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bienvenue à Punta Cana. Dans cette station balnéaire, située à l'extrême est de la République dominicaine, le tourisme est roi. Toute l'année, plusieurs millions d'Européens et de Nord-Américains débarquent sur l'île pour profiter du sable fin et des mers chaudes. Ils s'installent dans d'immenses hôtels all-inclusive, buffets de spécialités locales, soda, bière, rhum, tout est à volonté. Une formule qui scotche souvent les touristes dans leur transat entre le bleu de la mer et celui de la piscine où l'eau est douce et l'addition pas forcément salée. Le soir venu, certains vacanciers délaissent les boîtes de nuit des hôtels pour partir se déhancher au rythme du meringue et du bachata toute la nuit dans des nightclubs dominicains. Parmi cette faune nocturne, certains touristes recherchent des prostituées, hommes ou femmes. Mais il n'y a pas que le fléau du tourisme sexuel qui ravage l'île. L'autre problème, c'est la cocaïne. Produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie, la blanche transite par toutes les îles des Caraïbes et notamment la République dominicaine. Ce pays est ainsi devenu un immense hypermarché de la coke. Fondus dans la masse des touristes, de nombreux trafiquants européens viennent faire leurs courses ici. Vendue environ 4 500 € le kilo à Punta Cana, la cocaïne peut se revendre près de 30 000 € sur le vieux continent. Pour acheter le produit, les trafiquants doivent traiter avec les mafias colombiennes, mexicaines et dominicaines, bien contentes d'alimenter le marché européen. Pour dresser un portrait complet de l'île, il faut y ajouter la corruption qui gangrène le gouvernement, l'armée, la police. Résultat, le pays ressemble à un Far West moderne où les trafiquants passent leur temps à s'entretuer. Ceux qui n'aiment pas sortir leurs flingues peuvent toujours s'offrir les services d'un tueur à gages. Mais en cette soirée du 19 mars 2013, ce sont les policiers de la DCND, l'agence antidrogue dominicaine, qui ont sorti leurs armes. Sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana, le général Rolando Rosado Mateo donne le top départ d'une opération antidrogue spectaculaire et d'ailleurs, des caméras immortalisent le moment. Il est 23h. Un projecteur est braqué sur un jet privé à l'arrêt. Les policiers s'approchent du Falcon et dégainent leurs armes. Ils frappent contre la porte de l'appareil, y pénètrent, extirpent 4 hommes et les plaquent au sol. 2 heures plus tard, la caméra les filme. Bien sûr, ils ont les traits fatigués. Ils répondent aux questions du caméraman. What's your name? Your name, yep. Odus. Where are you from? France. France? Mm-hmm. Your name? Pascal Fauré from France. France? Your name, sir? Alain Castani, from France. France as well? Nicolas Pisapia, from France. From France, okay. Bruno Odos et Pascal Forêt sont les deux pilotes. Alain Castagny est membre de l'équipage. Et Nicolas Pisapia est l'unique passager de ce vol qui devait atterrir en France. Le jet ne décollera jamais et ces quatre Français sont jetés dans un cachot contenant une cinquantaine de détenus. À l'intérieur, très peu d'eau, presque pas d'air et pas de lumière du jour. Les quatre hommes sont suspectés d'avoir voulu effectuer un vol transatlantique avec 700 kilos de cocaïne à bord. Les médias vont très vite baptiser cet épisode « l'affaire Air Cocaïne ». Pour comprendre comment est née cette histoire, il faut quitter les plages de Punta Cana pour celles de la Côte d'Azur. Direction Saint-Tropez. Ses yachts, ses palaces et ses voitures de luxe. Ici, on vient exhiber ses signes extérieurs de richesse pendant que les badauds rêvent devant des bateaux sur lesquels ils ne monteront probablement jamais. C'était 2012. Un homme a une nouvelle arme pour frimer. Il a 40 ans et il n'a pas raté sa vie. Jusqu'ici, en tout cas. Et la preuve, il est venu à Saint-Tropez en jet privé et il aime le faire savoir à tout le monde. Ah oui, le jet s'arrangette, en tout cas plus que la Rolex. Cet homme, c'est Franck Collin, un enfant du pays qui a grandi dans la cité Berthe, un ensemble HLM de la Seine-sur-Mer, près de Toulon. Mauvais élève, il est en revanche un adolescent très débrouillard. C'est aussi un passionné de sport de combat. À 17 ans, il devient l'un des plus jeunes videurs de boîtes de nuit de la Côte d'Azur. En quelques années, le physionomiste démontre ses talents. Car Franck Collin, ce n'est pas que des muscles, c'est aussi de la tchatche et une capacité à se fondre dans tous les milieux. L'homme complète sa formation en suivant des stages de protection rapprochés. Ambitieux, le temps d'un contrat, il devient garde du corps de personnalités telles que George Clooney, Naomi Campbell ou Mike Tyson. La célébrité et l'argent. Franck Collin a l'habitude de les côtoyer chaque soir. Et il se confie au journaliste Jérôme Pierrat dans l'ouvrage intitulé « L'affaire Air Cocaïne ». C'était une expérience enrichissante de voir en 5 heures de temps autant de gens et d'étudier leur comportement. Le plus intéressant était de voir à quel point je devenais tout à coup un élément très important dans la vie de ces gens, que l'on appelait pour certains les VIP. Pour ceux qui avaient un besoin de reconnaissance ou une peur de s'ennuyer, je devenais leur ami. Ils étaient capables de m'offrir des choses que même leurs proches ou leurs meilleurs clients n'auraient jamais reçues. La majorité ne connaissait même pas mon nom. Pendant des années, ils m'embrassaient et me faisaient passer pour un des leurs. À force de fréquenter les VIP, le jeune homme finit par se lier des amitiés. À 30 ans, il rencontre Marc Chouraqui, un fils d'eux qui a pour père Gérard Chouraqui, ancien directeur général adjoint du groupe L'Oréal, riche comme Crésus. En 2002, Marc Chouraqui emprunte de l'argent à son père et se lance dans l'investissement immobilier en Roumanie. Il s'adjoint les services de Franck Collin comme garde du corps pour 10 000 euros par mois. À ce salaire très confortable viennent s'ajouter de nombreux cadeaux luxueux, montres, costumes et belles voitures. Donc tout va pour le mieux pour les deux hommes pendant quelques années, jusqu'à ce qu'une dispute éclate et que débrouille définitivement. Franck perd un ami, mais en ressort avec un joli pactole de 1,5 million d'euros conformément à l'accord passé entre les deux hommes. Franck Collin peut désormais mener la grande vie entre boutiques de luxe et qu'arriver à Hippie de Night Club. En 2009, il se marie en grande pompe à Versailles avec Maria Marinescu, une starlette roumaine, créatrice de mode. Alors qu'il vit en Roumanie, Franck fait de nombreux allers-retours vers la Côte d'Azur. À l'été 2012, il s'offre le luxe de venir en jet privé. Par l'intermédiaire d'un ami, il a rencontré le pilote, Alain Castagny, qui fera partie des quatre Français arrêtés à Punta Cana. En attendant cet été-là, Alain Castagny transporte Franck Collin, sa femme et son fils à Saint-Tropez à bord de son appareil. Une fois sur place, Collin reprend ses habitudes. Il fréquente les boîtes les plus prisées de Saint-Tropez où l'on retrouve une faune très hétéroclite, jeunesse dorée, homme d'affaires, star du foot ou du ciné, touriste fortuné et mafieux en tout genre. Lors d'une soirée VIP room, Franck Collin va faire une rencontre qui va une nouvelle fois changer sa vie. L'homme en question dit s'appeler Darian. Il se présente comme agent de joueur de foot, roule en Ferrari et porte une montre à plus de 45 000 euros. Franck Collin, toujours à l'affût d'une bonne affaire, commence à le fréquenter et envisage de nouveaux projets. L'agent de footballeur s'intéresse notamment aux contacts que Franck Collin dispose dans l'aviation d'affaires, autrement dit le transport en jet privé. Collin ne le sait peut-être pas, mais Darian est suspecté d'être à la tête d'un immense réseau d'importation de drogue en France. Et comme tous les trafiquants, il veut passer à la vitesse supérieure, augmenter ses profits et, peut-être, allait se fournir en cocaïne à la source, autrement dit, de l'autre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, depuis le début des années 2000, le marché européen est devenu la cible prioritaire de producteurs de cocaïne. Comme l'explique Bernard Petit, ancien directeur de l'Office des Stupes, et David Manberger, expert sécurité et justice, dans le documentaire Trafic, diffusé sur France 5. Une stratégie, ça répond à une stratégie. C'est une époque où les États-Unis commencent à être saturés par la cocaïne, et il faut trouver des marchés de consommation. Les groupes criminels colombiens ont cherché à diversifier leur offre. Pour cela, ils se sont orientés vers le second marché le plus rentable au monde, qui est l'Europe. C'est une question de pouvoir d'achat. Un Européen a plus d'argent qu'un Africain ou qu'un Asiatique en moyenne. Très clairement, à cette époque, pour les trafiquants, se pose le problème de traverser l'Atlantique pour revendre en Europe. Alors ça demande évidemment un peu une envergure. Et cette envergure, certains caïds français pensent l'avoir et vont tenter leur chance dans le trafic. Car dans l'Hexagone, la cocaïne n'est plus réservée au showbiz, au monde de la finance et de la fête, non. 500 000 Français en consommeraient au moins une fois par an, soit autant de clients potentiels. Pour alimenter ce marché en pleine expansion donc, les trafiquants font venir la blanche d'Amérique du Sud par tous les moyens possibles. Dans les soutes des avions, dans les conteneurs des bateaux et dans l'estomac des mules, ces personnes souvent dans la misère, qui risquent leur vie pour transporter de la drogue. Air cocaïne en revanche, c'est une route beaucoup plus simple. Le transport de centaines de kilos de drogue dans un jet privé tout bonnement. Dès l'automne 2012, le projet prend forme au fil des discussions entre Franck Collin et Darian. Collin fait des repérages à l'aéroport de la Mole, près de Saint-Tropez. Il revient sur les lieux et raconte son idée pour le documentaire Trafic. Tu vois, là, par exemple, c'est tout ouvert et on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Il n'y a même pas de grillage ni de clôture, il n'y a absolument rien. C'est un aéroport très facile, comme il y en a beaucoup en France, malheureusement. Ce qu'on appelle un gruyère, hein. Un endroit très facile pour les trafiquants, de tout genre d'ailleurs. Voilà, regarde. Il y a 2-3 valises qui sont sur le tarmac. Et là, les bagages partent avec les pilotes. Tu vois, c'est très clair. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut y faire transiter n'importe quoi. Pensez donc, sans aucun contrôle douanier ni policier, l'aéroport de Saint-Tropez est l'endroit idéal pour faire venir de la marchandise en toute discrétion. Bien, il ne reste plus maintenant qu'à trouver un avion. Franck Collin va alors solliciter l'homme qu'il avait déposé à Saint-Tropez dans son appareil, Alain Castagny. Ce dernier contacte une petite société d'aviation, la SNTHS. Elle est dirigée par 2 hommes, Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco. Pour ces hommes d'affaires, l'offre est alléchante. On parle de vol transatlantique. Ce serait une grande première pour cette société qui cherche à se développer. Avec à la clé, près de 100 000 euros par voyage. Une réunion a lieu et le premier vol est organisé. Bruno Dos et Pascal Fauré, 2 anciens militaires, seront les pilotes. Nicolas Pisapia, l'homme de main de Franck Collin, sera lui aussi du voyage. Collin évoque une semaine tout frais payée en République dominicaine où il devra seulement récupérer les valises. Selon les dires de Nicolas Pisapia à la justice, il pense alors à un trafic d'or. Une fois sur place, à Puerto Plata, Nicolas Pisapia est accueilli par un certain Maurice, le contact de Darian en République dominicaine. Il l'installe dans un hôtel all-inclusive, bien sûr. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du départ. Pisapia et les 2 pilotes repartent vers la France avec 8 valises à bord du jet privé. À leur arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Tropez le 9 décembre 2012, ils sont accueillis par 4 hommes. Il y a là Franck Collin, Darian, son chauffeur et un douanier, François-Xavier Manchet. C'est Franck Collin qui lui a demandé de venir, c'est un ami de longue date. Et il estime qu'avec un douanier, tout sera plus facile évidemment pour décharger les bagages, si je puis dire. En quelques minutes, les 8 valises, un peu abîmées, boueuses mais surtout très lourdes, sont chargées dans 2 voitures. Les 2 pilotes repartent à bord du Falcon en direction de Lyon. Quant aux autres, ils quittent le tarmac en voiture. Et une question demeure, que contiennent ces valises? C'est ce que se demandent aussi certains employés de l'aéroport qui adressent un signalement à la gendarmerie de Saint-Tropez. 3 mois plus tard, après un deuxième voyage infructueux, un troisième est organisé. Il s'agit là de faire un aller-retour à Punta Cana en République dominicaine. La suite? Eh bien, c'est l'arrestation spectaculaire des 4 Français sur le tarmac de l'aéroport. Le 23 mars 2013, le général Rolando Rosato Pateo, en charge de la lutte antidrogue, se félicite de cette arrestation. Nous avons procédé à l'arrestation de 4 Français qui voyageaient à bord d'un avion Falcon 50. Et cet avion a la capacité d'effectuer des vols transatlantiques et de transporter de lourdes charges. En France, les gendarmes de Saint-Tropez étaient sur la piste de ces voyages douteux et depuis le signalement d'un employé de l'aéroport. Ils avaient donc prévu de contrôler le jet privé à son arrivée sur le tarmac français. Peine perdue, c'est la police dominicaine qui met la main sur les trafiquants présumés. Et cela n'empêche pas l'enquête française de se poursuivre. L'affaire Air Cocaïne ne fait que commencer. Travel like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Yeah. Snub nose with potato. Straight out the jungle. Yeah. This real rap, no mumble. Yeah. My skin black like mumble. Yeah. Got stash spots in Honda. In the brick house, yeah. Used to hit the list and go to my house. Mama, straight out the jungle. Yeah. Young nigga don't know nothing now. Young nigga know too much now. Bow, bow, bow, that'll slow him down. Yeah. We pick up the hondos, then drop him off to Huncho. Huncho, I came from the bando. Here go the wild. Travel like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Yeah. Snub nose with potato. Straight out the jungle. Yeah. This real rap, no mumble. Yeah. My skin black like mumble. Got stash spots in Honda. Cocaine with the cocaine. Cold. The more money make more rain. Pouring up a paint while I'm back in propane. Point blank range, give a nigga nose range. 100 bricks on the road, take a couple routes. Flush mama house, her man's in Philly couch. I ain't really with the razzle dazzle. Knock him off and then I throw him off the boat paddle. Go to Tijuana, put the kilo on the saddle. Sack him, hit a lick and cop a pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match him with the acres, with the horses in the cattle. Like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilo. Snub nose with potato. Straight out the jungle. This real rap, no mumble. My skin black like mumble. Got stash spots in Honda. Straight out the jungle. Ce 20 mars 2013, 4 Français sont enfermés dans un cachot de la République dominicaine. Les deux pilotes, Bruno Dos et Pascal Forêt, Alain Castani, qui aurait fait l'intermédiaire entre Franck Collin et la compagnie SNTHS, et Nicolas Pisapia, l'homme de main de Franck Collin. Les unités antidrogues dominicaines ont aussi procédé à un vaste coup de filet en interpellant une trentaine de militaires, douaniers et policiers qui seraient impliqués dans le trafic. Le niveau de corruption est tel dans l'île que de nombreux membres de l'administration et de la police participent activement au trafic de drogue. En France, Franck Collin panique, évidemment, en apprenant l'arrestation du Falcon 50. Le jour même, il appelle son ami douanier, François-Xavier Manchet, et lui ordonne « Tu dois tout jeter, la voiture que je t'ai donnée, tu t'en débarrasses, voilà. » Bien. Une semaine plus tard, les enquêteurs apprennent que Franck Collin a rendez-vous dans son agence bancaire, en région parisienne. Les policiers le cueillent tranquillement à la sortie et saisissent 95 000 euros dans son coffre-fort. Le lendemain, c'est le douanier, François-Xavier Manchet, qui est interpellé. À son domicile, on retrouve 32 400 euros en liquide. En avril, les 4 Français détenus en République dominicaine sont présentés devant un tribunal à Saint-Domingue. Ils sont condamnés à 1 an de détention préventive dans l'attente de leur procès. En France, l'épouse de l'un des deux pilotes, Sabine Forêt, exprime son indignation au micro de France 2. Ils étaient simplement là-bas pour faire leur travail. Ils ont été envoyés par leur employeur pour aller chercher un passager. Leur métier, c'est d'être pilote, hein, c'est d'aller chercher des passagers avec ou pas de bagages, mais je veux dire, le problème est que bah là, ils sont tombés sur un mauvais passager. L'incarcération de ces deux pilotes, anciens militaires, plusieurs fois décorés, fait réagir également du côté des professionnels de l'aviation. Un comité de soutien est même créé. Philippe Edman, président de ce comité, et Jean Reinhardt, l'un des avocats des pilotes, expliquent pourquoi, selon eux, les deux Français ne devraient pas être poursuivis. Il n'a pas le droit, par exemple, de vérifier le contenu d'un bagage. Il n'a pas le droit, même dans un vol Air France, de demander à un passager d'ouvrir son sac à main ou sa valise. Donc il ne pouvait pas en demander à ce que la valise soit ouverte et ce n'était pas dans leur volonté, leur possibilité. Ce qu'il y a dans les bagages n'est pas de leur ressort. On aimerait juste que les autorités dominicaines entendent ça. Les experts judiciaires français sont parfaitement d'accord avec cette interprétation de la loi. Dans les cas où des avions de ligne se retrouvent avec de la cocaïne à bord, jamais les équipages ne sont inquiétés. C'est exactement le même cadre juridique. En France, l'enquête se poursuit et c'est au tour de Pierre-Marc Dreyfus et Fabrice Alco, les dirigeants de la société SNTHS, d'être mis en examen et incarcérés en septembre 1993. 2013, à la fin de cette année-là, 8 hommes sont donc placés derrière les barreaux dans le cadre de cette affaire. Mais toujours aucune trace du fameux Darion qui serait le grand commanditaire de ces voyages. En prison, Franck Collin, qui n'a pas de casier judiciaire et n'a jamais été incarcéré, vit un véritable enfer. Certains détenus lui infligent des coups de fourchette et de couteau pour éviter qu'il ne balance le nom de son complice, si tant est d'ailleurs qu'il le connaisse, ce vrai nom. En juin 2014, les quatre Français sont libérés après 15 mois de détention. Placés en liberté surveillée, ils sont toujours en attente de leur procès. Quelques mois plus tard, en octobre 2014, les enquêteurs parviennent à identifier Darion. Il s'appelle en fait Ali Bouchareb et il était interpellé en Espagne, à Tarragone, avec 8 autres personnes. Elles étaient toutes occupées à décharger un conteneur de poissons surgelés contenant, par ailleurs, 420 kilos de cocaïne. Ali Bouchareb est bien connu des services de police. Caïd du milieu Stéphano Lyonnais, il avait déjà fait parler de lui dans une affaire de trafic de drogue en 2007. 1 million d'euros et 90 kilos de shit avaient été saisis. Malgré son interpellation en possession de plus de 400 kilos de cocaïne, Ali Bouchareb est libéré après quelques mois de détention par la justice espagnole pour d'obscures raisons de procédure. A-t-il obtenu sa libération en balançant un autre trafiquant de drogue? C'est une hypothèse. Toujours est-il que cette décision scandalise la justice française qui n'a pas eu l'occasion d'interroger et de le confronter à Franck Collin. En République dominicaine, après de nombreux reports, le procès débute enfin en août 2015. Le 14, les quatre Français sont condamnés à 20 ans de prison. Alors que la plupart des Dominicains impliqués dans cette affaire ont été relaxés, ce sont bien les Français qui écopent des plus lourdes peines. Une décision que ne comprend pas Philippe Malburet, membre du comité de soutien de Nicolas Pisapia. C'est une catastrophe. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit. C'est incroyable, incroyable. Sans preuve, comment un tribunal peut-il émettre un jugement alors qu'il n'y a pas de preuves tangibles? On n'a jamais vu un truc pareil. Le ministère, actuellement, est sur la réserve. Il ne veut pas faire une intervention qu'il prétend ne pas avoir faite pour d'autres. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque tout le monde se souvient de l'affaire Florence Cassé, de l'affaire du Français qui est incarcéré aux Philippines, en Indonésie plutôt. Alors, il y a tout à redouter, précisément, de cette espèce d'immobilisme. Une intervention va bien être mise en place pour aider les Français, mais elle ne viendra pas du Quai d'Orsay. Imaginée par l'eurodéputé Front National, Émeric Choprade, avec l'appui de Christophe Naudin, expert en sécurité aérienne, cette opération, baptisée Dîner en ville, vise à exfiltrer les deux pilotes français Bruno Dos et Pascal Forêt, pour l'instant en liberté surveillée, dans l'attente de la confirmation de leur peine de 20 ans de prison. Émeric Choprade et Christophe Naudin rassemblent plusieurs anciens militaires pour mener l'opération. Le 18 octobre 2015, aux Aurores, l'équipe Poisson, chargée de faire sortir les deux pilotes des eaux territoriales dominicaines, monte à bord d'une petite embarcation puissamment motorisée. Choprade, le chef Poisson, parvient à rallier Naudin, le chef Volaille, qui est à bord d'un voilier. Les deux pilotes montent à bord en direction de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin. Après plusieurs jours en mer, le voilier accoste sur l'île. L'équipe Volaille est sur le point de réaliser son objectif, faire monter les deux pilotes dans un vol pour Fort-de-France. arrivé en Martinique, Bruno Dos et Pascal Fauré embarquent pour un vol régulier pour Paris. Voilà, l'opération Guinée-en-Ville est terminée, elle aura duré près d'une semaine. Quelques jours plus tard, les deux pilotes s'expriment au JT de France 2. On s'est conformé à tout ce qui nous a été demandé dans cette République, qui pour moi n'en est pas une. Et on a été dignes de leur confiance, voilà, jusqu'à ce que notre confiance à nous soit trahie. Donc je suis pas spectateur de ma vie, j'agis. Ah mais je suis pas un fugitif dans l'âme, c'est-à-dire que je viens chercher ici la justice, la vraie justice. J'ai certainement des questions auxquelles j'ai à répondre. Très bien, j'y répondrai. Je ne redoute pas de condamnation. Je suis innocent. C'est quand même difficile à accepter d'avoir perdu 2 ans et demi de sa vie, d'avoir passé 15 mois en prison, d'être considéré comme un criminel alors qu'on n'a rien fait. Donc je voudrais juste qu'on le reconnaisse et que je puisse reprendre ma vie. Alors que les deux pilotes reprennent doucement leur vie, effectivement, en retrouvant leur famille, ils sont interpellés à leur domicile pour s'expliquer cette fois devant la justice française, la vraie, comme ils disent. Une méthode en tout cas dénoncée par leurs deux avocats, Jean Reinhardt et Éric Dupond-Moretti. Devant le domicile de Pascal Fauré, il y avait plus d'une quinzaine de gendarmes, 4 véhicules, les routes étaient barrées, on arrêtait le grand fugitif de l'année. Je l'ai dit, nous l'avons redit, nous l'avons écrit, qu'il se présenterait volontairement. Nous trouvons que ce Barnum n'est pas à l'image d'une justice qu'on voulait sereine. Voilà 2 de nos concitoyens qui arrivent, qui disent on est à votre disposition, et on fait semblant de ne rien entendre, et on envoie je ne sais combien de gendarmes, les véhicules de la gendarmerie, enfin tout le team, pour aller les arrêter, pour les humilier alors qu'ils sont là. Et malgré la protestation publique de leurs avocats, les deux pilotes français sont mis en détention provisoire. Au même moment, l'affaire Air Cocaïne fait parler d'elle pour une toute autre raison. Le journal du dimanche révèle dans ses colonnes qu'au tout début de l'enquête, la juge d'instruction de Marseille, Christine Saunier-Ruelland, a demandé aux policiers de la brigade financière d'obtenir la géolocalisation de 2 téléphones portables de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Elle a également demandé d'avoir accès aux factures détaillées des lignes téléphoniques. Mais que vient faire l'ancien président dans cette histoire ? Eh bien, c'est tout simple. Il était client de la société SNTHS. Le 21 mars 2013, soit 2 jours après l'arrestation de Punta Cana, le jet privé avait été réservé pour que l'ancien président puisse se rendre à Bordeaux et répondre aux questions du juge Gentil dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Le juge n'a rien trouvé contre Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il n'a aucun lien avec les trafiquants de drogue. D'ailleurs, il suffit de relever les 6 numéros qu'il appelle le plus souvent pour s'en convaincre. On y retrouve sa femme, sa belle-sœur, son associé, sa collaboratrice, son garde du corps, et puis l'animateur Arthur. Enfin, il vit normal, quoi. Invité sur RTL, le 4 novembre 2015, Nicolas Sarkozy réagit à cette surveillance. Qu'on a comparé les téléphones que j'appelais avec les téléphones appelés par des trafiquants de drogue. Je me souviens du même Manuel Valls disant d'ailleurs avec raison, s'agissant des gens, vous savez, sur la fiche S, suspectés de terrorisme. On n'a pas assez de moyens, on ne peut pas surveiller tout le monde. Peut-être qu'on pourrait réallouer une partie des policiers et des moyens considérables mis sur moi, mais sur les terroristes ou des gens qui mettent en cause la sécurité des Français. Ou le juge. Monsieur, je ne mets en cause personne. Je veux simplement savoir, est-ce que les procédures ont été respectées et je veux comprendre pourquoi le contribuable doit payer de telles sommes et de tels moyens sont mis en cause uniquement pour me surveiller parce que je représenterai un danger pour la République. Des questions seront posées, nous verrons la suite à donner en fonction des réponses qui sont apportées. Fin de l'épisode. Le mois suivant, les deux pilotes français, Bruno Dos et Pascal Fauré, sont remis en liberté. Quelques semaines plus tard, la police espagnole interpelle de nouveau Ali Bouchareb lors d'un contrôle routier. Cette fois, il n'est pas relâché et les Espagnols le remettent à la justice française qui a lancé un mandat d'arrêt européen. Il est mis en examen quelques jours plus tard. Franck Collin, de son côté, est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Dans le documentaire Trafic, il témoigne et développe sa ligne de défense. Selon lui, il voulait infiltrer le milieu des trafiquants de drogue pour devenir un informateur et obtenir une rétribution de l'État. Sur un gros trafic de stupes, une com peut facilement aller de 500-600 000 euros à 1 million d'euros, voire plus. Après, forcément, il y a des risques. C'est le risque d'infiltrer, c'est le risque d'être découvert, c'est le risque de ne pas être accepté, ni compris, ni cru par les services de police. Tout dépend comment ça se passe, c'est comme ça. Ce sera désormais au juge de trancher, comme on dit. Toujours est-il que l'affaire R. Cocaïne n'a pas dévoilé tous ses secrets. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de cette drogue qui inonde l'Europe depuis le début des années 2000 et qui s'est répandue dans toutes les strates de la société. Dans son livre « Extra pur », le journaliste italien Roberto Saviano écrit « La coke, quelqu'un autour de toi en prend. » Et il énumère les possibilités, ton chef, l'infirmière, le policier, la fille du call center, ton voisin, le chirurgien, le laveur de carreaux, ton beau-frère, le concierge de ton immeuble. Et il termine son chapitre par ces mots. Mais tout bien considéré, si tu penses qu'aucune de ces personnes n'est susceptible de consommer de la cocaïne, eh bien soit tu es incapable de le voir, soit tu mens, ou bien, ça signifie tout simplement que la personne qui en prend, c'est toi. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, R. Cocaïne. Notre invité, Jérôme Pira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions de crime organisé et co-auteur avec notre ami du Point, Marc Le Plongeon, de l'ouvrage que je tiens entre mes mains qui s'appelle tout simplement l'affaire R. Cocaïne, mafia et jet privé. C'était assez bien vu quand même, R. Cocaïne, jolie trouvaille de journaliste, et puis ça colle bien. Ça colle bien. Alors, c'est pas l'exclusivité. Il y avait déjà eu une affaire R. Cocaïne avec un gros porteur au Mali avec 11 tonnes de coke cette fois. Donc c'était, voilà. Bien, alors le 18 février prochain s'ouvrira le procès de cette affaire R. Cocaïne devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. 11 personnes vont être jugées pendant 7 semaines. C'est quoi les enjeux de ce procès finalement? Parce que les condamnations, il y a déjà eu. Oui, bon, c'est de voir. Bah, c'est des. Enfin, C'est essayer de faire un peu la lumière sur cette affaire qui va, à mon avis, rester somme toute assez mystérieuse. Oui. Il y a tellement de zones d'ombre dans ce dossier entre la nature même de la marchandise, le rôle des uns et des autres. Enfin bon, voilà, c'est tout sauf un dossier transparent et linéaire. Donc, bon, l'enjeu, c'est d'essayer d'avoir une justice un peu plus équitable que la justice dominicaine, puisque bon, le procès là-bas était une vaste mascarade, autant au moins que l'enquête qui l'a précédée. Parler de zone d'ombre et parmi elles, le contenu exact des valises. Enfin, le contenu, c'est de la coke. Oui, mais la saisie en elle-même, elle était assez nébuleuse. On a parlé tout à l'heure d'un film qui a été fait en direct au moment de l'arrestation. On s'aperçoit que le film, en fait, il a pas été fait en direct. Il a été retourné après, etc. Le directeur de l'enquête est lui-même tombé pour corruption après coup. On s'est aperçu qu'il était mêlé au trafic à très haut niveau, comme de nombreux responsables d'ailleurs dominicains, etc., etc. Donc on sait pas bien exactement ce que contenait. Alors effectivement, on va s'en tenir aux faits. A priori, il y avait 700 kilos de cocaïne contenu dans ces 26 bagages embarqué à bord du Falcon. Ouais. On va se tenir au fait, à la présomption d'innocence et mettre 2-3 conditionnels s'il le faut. Hein. Exactement. Parce que la chose n'est pas à juger et elle le sera dans quelques jours. Donc, on peut dire qu'officiellement, il n'y a aucune preuve, je dis bien preuve, de l'implication des quatre dans le trafic. Il y a bien les valises, remplies de drogue quand même, mais ça ne veut pas dire dans l'absolu que les convoyeurs savaient ce qu'ils transportaient et en particulier les pilotes. Arrêtons-nous d'abord sur les deux pilotes, on les a entendus tout à l'heure. C'est crédible qu'ils disent nous c'est pas ce qu'on transporte. Bah c'est crédible et c'est en plus légal parce que en gros la législation. Bon, on va revenir rapidement sur la législation. Allons-y. En gros, le vol est considéré comme un vol de transport public. Même s'il est un avion privé. Même si c'est un avion privé. C'est un vol privé uniquement si c'est le propriétaire de l'avion qui est à son bord. Là, c'est pas le cas puisque c'est un vol qui est loué, qui est affrété pour des clients, privés. Donc. C'est un vol privé de droit public. Voilà. C'est à peu près ça. Et donc, en gros, les pilotes, dans ce cas-là, le droit international, il est très clair. Les pilotes n'ont pas à contrôler le contenu des bagages. Le contenu des bagages doit être contrôlé par les autorités aéroportuaires, douanières ou policières, qui gèrent l'aéroport duquel part l'appareil. Donc, les pilotes, dans ce cas précis, n'avaient pas à faire ouvrir les bagages. À tout le moins, on peut leur reprocher une certaine négligence, c'est-à-dire effectivement un mec qui embarque, qui arrive à vide et qui repart avec 26 bagages dans son jet privé, on peut peut-être, avec une destination telle que la République dominicaine, on peut se poser la question de la nature du contenu des valises. Mais on peut pas leur reprocher légalement de ne pas avoir contrôlé les bagages. Alors il y aura des profils très différents devant cette cour d'assises. On va parler d'abord de Franck Collin, l'un des commanditaires présumé du vol. Il a déclaré avoir voulu infiltrer le milieu des trafiquants de drogue, ce qui peut déclencher un certain sourire. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ça peut déclencher un sourire. Mmh. Il a changé sa ligne de défense depuis ou il reste là-dessus? Non, visiblement, il reste là-dessus. Alors, au départ, il y avait eu d'autres, lui, au début, avait mis en cause la nature même de la marchandise transportée. C'est-à-dire qu'il avait dit, c'est ce qu'il avait dit, notamment, est-ce que soupçonnait son homme de main, là, le fameux Nicolas Pisapia, le Marseillais qui est arrêté, lui, à bord de l'avion. Parce que Franck Collin ne voyage jamais, il affrète l'avion. Il affrète. Mais, il participe jamais au vol en eux-mêmes. Et donc, effectivement, au départ, on a soupçonné, Pisapia a dit, je pensais qu'il transportait de l'or ou qu'il me faisait transporter de l'or ou de l'argent liquide à fin de blanchiment ou d'investissement, etc. Un peu douteux, mais en aucun cas de la drogue. Collin, lui, avait un peu noyé le poisson au début, après a dit, oui, effectivement, j'ai infiltré, il avait brandi d'ailleurs une espèce de carte, de pseudo-carte, de membre d'une association internationale, de police, une espèce de truc de sécurité privée, qui n'avait pas grande valeur. Donc oui, il reste là-dessus en disant, c'était de la drogue, mais tout ça était, j'étais une taupe et un infiltré. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver pour qui il était infiltré. Bon, en tout cas, il a pris cher, si j'ose dire. Au début de son incarcération, c'était très difficile, il a subi des pressions de la part d'autres prisonniers. Pourquoi il a pris des coups de fourchette en prison. Ouais. Alors au début, c'est pareil, là-dessus, il s'est pas exprimé. Au départ, il a juste dit qu'il avait été, parce qu'il était passé, il y a eu un reportage dans l'émission 7 à 8 sur TF1, là, qui passe le dimanche soir, sur l'affaire cocaïne, tout au début, quand elle a éclaté, et donc, il a dit, il y a des détenus qui m'ont vu à la télé, en tout cas, qui ont entendu parler de moi, qui ont voulu, masticoter un peu en prison, le mot est faible, en mettant des coups de fourchette, etc., etc., par jalousie ou pour essayer de me faire plier pour participer à un futur trafic si je sortais, etc., etc. Bon, il s'avère qu'en fait, la version probante, c'est que on l'a intimidé et ça serait le fameux Ali Bouchareb qui aurait commandité ça, puisque lui, il était en cavale et surtout pas identifié, puisque Franck Collin s'était bien gardé de donner sa véritable identité, la connaissait-il ou pas, mais il disait, moi, j'ai été abordé par un type qui s'appelait Darian, je ne sais pas qui se cache derrière cette identité, etc., etc. Et donc, en gros, visiblement, le fameux Darian, alias de son état civil, Ali Bouchareb, lui aurait envoyé quelques sicarios pour parler cartel et lui aurait mis quelques coups de fourchette pour s'assurer de son silence. Ouais. Donc, ça veut dire que Bouchareb, c'est un gros trafiquant qui a les us et coutumes du trafic de drogue. Oui, alors sur le papier, c'est pas une tête d'affiche, hein, Ali Bouchareb. Enfin, en tout cas, il est pas très connu. C'est pas Escobar, quoi. Ouais, c'est pas Pablo Escobar ou El Chapo. C'est un type qui est connu. Alors, il vient de Firmini, une banlieue, la banlieue stéphanoise. Avec son frangin, ils ont fait des vols à main armée, des petits braquages. Après, on l'a retrouvé dans une affaire de hache, de trafic de shit. Bon, certes, avec des grosses sommes d'argent, hein, puisqu'il y avait eu 1 million d'euros saisis, une centaine de kilos de shit à la clé, etc., etc. Mais c'était pas un type qui était affiché, voilà. Il a quand même été libéré en Espagne dans 2014. Oui, dans une grosse affaire, effectivement, mais dans des conditions un peu mystérieuses quand même, c'est-à-dire qu'il a on n'a jamais relais. Trop su comment on a fait pour être libéré après une saisie de 300 kilos de coke. Effectivement. Ouais, donc c'est pas forcément non plus juste une petite. Non, je vous dis pas que c'est pas une petite main, mais c'est pas un type qui était très connu, en tout cas médiatiquement ou policièrement parlant. On va pas faire le tour de tous les protagonistes de cette histoire, mais avant de parler des deux pilotes, on va parler des deux dirigeants de la société, on les a oubliés ceux-là, tiens, la société SNTHS qui a loué le jet privé, ils ne se doutaient pas qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire, et comment pouvait-il s'en douter? Fallait-il qu'ils s'en doutent? Bah, en gros, ils sont payés. Non, la seule chose qu'on peut leur reprocher, là encore une fois, c'est d'avoir accepté 100 000 euros en liquide pour prix de la prestation. Bon, alors c'est le milieu des jets d'affaires. On peut se dire que ça peut être un peu opaque. Il y a des hommes d'affaires que bon, voilà, qui ont peut-être pas de l'argent tout à fait déclaré, etc., etc. Mais enfin, bon, c'est vrai que là, c'est payé pas au cul du camion, mais à l'arrière d'un, enfin, sur une top caisse de scooter. On leur remet une enveloppe à des associés. Ça arrange pour mettre cet argent. Luxembourg et lui-même transféré dans les caisses de la compagnie de l'argent qui vient du Luxembourg, etc., etc. Donc c'est ça qu'on leur reproche, eux, c'est des espèces de recels de blanchiment d'argent. Évidemment qu'ils ont cédé à la tentation, comme un peu tout le monde dans cette affaire, c'est-à-dire que ils ont une société qui est en devenir. Ils effectuent pas de vol transatlantique, pour eux c'est l'occasion d'en faire, d'avoir cet agrément-là pour pouvoir développer leur affaire. Ce type se pointe, leur dit, moi je vais vous faire des vols transatlantiques, je vous paye, bon certes c'est en liquide, mais bon, ouais, l'argent est pas malhonnête, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a pas d'odeur, déjà. Sans doute un peu fraudé le fisc. Donc prenez-le et puis c'est pas bien grave. Et eux vont céder à cette tentation-là, voilà. Mais évidemment qu'ils sont pas au courant de la nature, voilà, de la marchandise transportée. Et puis les deux pilotes, alors, condamnés à 20 ans de prison, ça c'est quand même terrible. Ah oui, quoi. Ça c'est quand même un peu lourd. Oui, c'est quand même un peu lourd, puisque c'est deux professionnels reconnus qui étaient des pilotes de chasse de l'armée française, qui ont opéré notamment en ex-Yougoslavie, enfin pendant le conflit yougoslave, etc., etc. Donc c'est des types qui, sur le papier, sont nickel. Ils ont jamais eu un accroc avec la justice. Et eux aussi, ils disent, bon, on s'est sans doute un peu laissé aller dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les mecs n'étaient pas très clairs, les passagers déclarés changeaient un peu, ils font un vol, il y a eu 3 vols en tout, le vol du milieu, ils vont à Quito, quand ils vont à Quito, ils n'en ramènent rien, ils font Quito le Bourget, normalement, ils arrivent à Quito, ils se font contrôler par l'unité anti-drogue locale, avec les chiens qui montent à bord, etc., ce qui n'arrive jamais, on pense que c'est la DEA qui avait déjà repéré ce vol, qui a envoyé les autorités locales contrôler l'avion. Enfin, bon, il y avait quand même quelques trucs qui auraient dû s'allumer dans leur tête en se disant, bon, tout ça est quand même pas très très clair. Mais, encore une fois, c'est pas à eux de contrôler les bagages. Eux, ils sont salariés de la compagnie d'aviation. Bon, voilà, ils se sont dit, ouais, écoutez, j'ai un bon boulot, on n'est pas trop mal payé. Ils ont qu'à se débrouiller avec leurs affaires, quoi. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aux séries qui mettent en scène les trafiquants de drogue comme Narcos, oui. Hein, ou El Chapo, je rappelle que la DEA, c'est une sorte de CIA pour la drogue. Quoi. Oui, excusez-moi, oui, c'est l'office des stupes américain, mais qui, voilà, et qui intervient en territoire, international. Oui. Bien, tout ça montre quand même qu'il y a à la fois une grosse imprudence qui coûte cher, que c'est lié aussi à ce transport en jet privé. On va écouter un extrait d'un reportage de France 3 où un pilote belge de jet privé témoigne. Justement, il a été condamné pour avoir transporté lui des clandestins albanais vers la Grande-Bretagne. Et à l'époque, on lui a même proposé d'en faire un peu plus. On m'a proposé de passer de la cocaïne, de l'argent. L'argent, limite, je n'aurais pas été contre. C'est plus facile de passer une mallette que de déplacer un être humain. mais de la cocaïne, voilà, les peines de prison sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevées. On part sur 10, 15 ans et ça fait peur. Je peux rentrer par la barrière, je monte ma licence de pilotage, je dis que vous êtes avec moi, vous me suivez, et je prends l'avion, un avion que j'ai loué, et puis on ne posera pas de questions. Éventuellement, au maximum, on va me demander ma licence, et je dis que les personnes sont avec moi. Je veux dire, il n'y a pas de douane, vous ne voyez aucune autorité. Voilà, ça confirme ce qu'on disait au début. La boucle est bouclée. Vous voulez rajouter quelque chose, non, là-dessus? Non, pas sur le... Oui, sur le... Exactement ça. Alors, maintenant, que sait-on vraiment de l'arrestation de Punta Cana? On ne sait pas ce qu'il y avait vraiment dans les valises de la drogue, mais on n'a pas eu la preuve encore. Les Dominicains ont très bien pu retirer une partie du stock de drogue, d'ailleurs issu des saisies, pour le présenter devant les caméras. Ça s'est vu dans certains pays. Oui, bah, surtout que là, le film, puisque, en gros, donc, ils se vantent d'avoir filmé toute l'opération. Alors, on voit d'ailleurs le général qui a le pistolet à la main, qui arrive en hélicoptère sur le tarmac avant de prendre d'assaut le jet qui s'apprête à décoller. Enfin, c'est Mini Act Express. C'est assez hollywoodien comme mise en scène. Sauf qu'il y a un truc qui est très étonnant. Alors, ils ouvrent, on les voit ouvrir la soute, sortir les valises, mais à aucun moment ils ne filment l'ouverture des valises et la saisie de drogue dans l'avion. Il y a une espèce d'ellipse, ça se coupe le film et ça se rallume. Il y a des petits paquets de drogue installés sur une table avec le panneau de l'antidrogue locale et le gars qui est devant qui vous dit, bah voilà, il y avait ces 700 kilos là dans l'avion. Donc, pour le moment, on se dit, c'est un peu dommage qu'ils aient fait tout ce film pour pas nous montrer la saisie en elle-même. Donc voilà, ça jette un peu la suspicion sur cette saisie et cette opération. D'autant que je vous dis, le fameux cow-boy général pistolet en main a lui-même été arrêté pour le coup peu de temps après pour corruption et trafic de drogue. Ça rappelle les images concernant Florence Cassé. Oui, bah ça fait un peu ce genre de manip. D'ailleurs, ils avaient retourné, les autorités mexicaines avaient retourné l'arrestation, l'assaut dans le ranch où étaient détenus les otages du copain de Florence Cassé, etc., etc. Donc on a exactement la même manip cinématographique. Alors Nicolas Pisapia et Alain Castagni, ils sont pas eux non plus, enfin a priori, le profil de trafic. Alors, drogue, pas du tout. Alain Castagni, c'est un pilote à l'origine, un pilote reconnu, bien connu dans le milieu des vols privés, des jets d'affaires. Il a notamment pas mal bourlingué en Afrique, à droite, à gauche. Et à côté de... Donc il convoie d'ailleurs, c'est comme ça que Franck Colin le rencontre, il convoie Franck Colin et surtout il joue aussi le rôle d'intermédiaire, de courtier, de broker, comme on dit. C'est-à-dire que quand il pilote pas lui-même, il met en contact des clients avec des compagnies d'aviation privées, il fait apporteur d'affaires. Voilà. Donc là, c'est son rôle dans cette affaire-là. Il va mettre en contact Franck Colin avec la société lyonnaise de jet. On n'a pas dit que le jet appartenait à Alain Flelou, mais voilà, c'est le jet d'Alain Flelou, le Falcon, qui lui-même le met en loc quand il s'en sert pas, pour le rentabiliser un peu. Et Alain Castagni, voilà, donc c'est un type qui, sur le papier, certes, il a bourlingué, un peu aventurier, un peu machin, mais rien de plus, quoi. Ouais. Et Pisapia, c'est un type qui, pareil, il n'y a pas de mention au casier judiciaire, hein. C'est pas Pablo Escobar. Pisapia, c'est un petit Marseillais qui marche un peu dans la roue de Franck Colin, qui s'est installé en Roumanie comme lui, il l'a connu là-bas, et qui a des difficultés. Il a divorcé, il a un enfant, il a pas trop de boulot. Donc Franck Colin le fait un peu bosser, le prend un peu pour son homme de main, mais sans connotation mafieuse, espèce de secrétaire assistant à qui il fait toucher un petit billet. Et il va lui demander, là, dans cette affaire précise, de prendre l'avion à sa place, en gros, en lui disant, écoute, Nicolas, tu veux gagner un peu d'argent ou passer une petite semaine de vacances sympa en République Dominicaine? Tiens, tu vas monter dans ce jet, tu vas récupérer des valises qu'un certain Maurice va te donner une fois arrivé en République Dominicaine, et puis tu reviens, et puis voilà. Donc ça, lui, il se retrouve, c'est un peu le dindon de la farce. Lui, il pense que c'est de l'or à l'origine. Il se dit, comme en Roumanie où il habite Franck Colin et lui-même, il y a beaucoup on peut facilement payer, arriver dans les banques avec des valises remplies de lingots d'or. Il y a beaucoup d'investissements immobiliers. Il se dit, bon, Colin, il doit avoir la touche avec des types qui ont de l'or pas très clair, mais qui veulent investir en Roumanie. On me demande de rapporter des lingots pour acheter des terrains localement. Voilà. Bon, de toute façon, c'était pas forcément l'idée du siècle de transporter de la cocaïne, si tant est que ça en soit, dans un avion privé, parce qu'ils étaient repérés déjà, ils devaient être arrêtés par les Français. Ils n'avaient pas été arrêtés à Punta Cana. Ah bah oui, parce qu'ils avaient déjà les gendarmes après le premier vol, parce qu'en fait ils font un premier vol en décembre 2012, ils atterrissent à l'aéroport de la Mole, là, à côté de Saint-Tropez, et on les voit décharger grossièrement 8 grosses valises sur le tarmac, personne n'arrive à les porter, il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs, etc. Donc il y a le barman du petit bistrot de l'aérodrome qui trouve quand même ça très très louche. Et qui téléphone, voilà, et qui balance, lui, en disant qu'il y a des mecs bizarres qui ont transporté des valises visiblement un peu bizarre, trop lourdes. Aussi. Voilà, aussi bizarre qu'eux. Bon. Et donc, voilà, ils sont déjà dans le collimateur. Et le deuxième vol, ils doivent atterrir au même endroit. À la dernière minute, ils atterrissent au Bourget, donc les gendarmes les loupent. Enfin, voilà, il y a tout un micmac. Mais effectivement, ils étaient déjà dans le collimateur de la gendarmerie. Ouais. Alors, si c'est pas l'idée du siècle, doit y en avoir une autre, apparemment. C'est ce qu'on voit dans l'extrait qu'on entend maintenant. Non, extrait du documentaire Trafic diffusé sur France 5, Bernard Petit, ancien directeur de l'Office des Stupes, explique que la route la plus fiable pour la cocaïne, ce sont les conteneurs à bananes qui partent par milliers chaque année en Europe. Quand vous avez un cargo avec plein de bananes, il faut décharger toute la marchandise pour chercher le produit. Donc déjà, il faut être très sûr que le produit est dedans, parce que le déchargement coûte une fortune. Les dockers, il faut quand même payer le travail qui est fait. Donc ça coûte une fortune à l'État. Et après, se pose un problème de savoir si le propriétaire de la cargaison est au courant ou pas, s'il faut lui restituer son produit, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de complicité dans le port. On joue sur l'inertie du système, l'importance des flux commerciaux et la nécessité pour les États et les autorités portuaires que le flux soit fluide. Bon, ensuite, les trafiquants se sont organisés, continuent de s'organiser. On va parler du trafic de drogue en élargissant un peu au-delà de cette affaire-là quand même. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bah alors, en fait, parce que Sarkozy, tout simplement, effectivement, il y a une espèce d'affaire dans l'affaire. Parce qu'en fait, qui n'en est pas une, en fait. Oui, qui a fait complètement flop. C'est que Nicolas Sarkozy utilisait lui-même... l'avion. Ce jet là, l'avion en question d'Alain Flelou, et donc je sais pas, la juge d'instruction a eu d'un seul coup une espèce de révélation, une lueur, en se disant donc on a soupçonné de basse manœuvre politique derrière tout ça, mais en disant ils ont perquisitionné dans la boîte de dans la compagnie privée dans le cadre de l'affaire, en gros les enquêteurs cherchaient plus que des preuves afférentes au trafic ou en tout cas au vol vers Punta Cana, en quoi Nicolas Sarkozy avait utilisé ou pas cet avion qui était affrété, en fait c'est pas lui qui payait, hein, c'était Stéphane Courby et son entreprise le Love Group, voilà, pour lequel il faisait qui payait les déplacements de Nicolas Sarkozy avec cet avion. Donc oui, il y a eu une espèce de ça pendant, et d'ailleurs les dirigeants de la compagnie privée ont été interrogés pendant leur année de détention préventive, parce qu'ils ont fait un an de prison notamment au à côté de Marseille, et se plaignaient qu'à chaque audition du juge d'instruction, on leur parle de Nicolas Sarkozy, du Love Group, de Stéphane Courby, et non pas de l'affaire en question. Donc il y a eu une espèce de micmac aussi, voilà, donc ça rajoute au mystère qui entoure ce dossier. Ouais. Toute dernière chose, là il ne s'agit pas chez les gros, dans les cartels, d'avoir un avion, mais une flotte d'avions, c'est des petits à côté. Aujourd'hui, on a connu le cartel de Medellín avec Escobar, puis le cartel de Cali. Et le cartel mexicain, Guadalajara. Oui, El Chapo, ensuite. De Sinaloa, oui. Ceux qui venaient du Sinaloa, exactement. Aujourd'hui, en Italie, je crois que Drangheta est une mafia puissante qui a repris le trafic de drogue ou qui fait commerce avec les narcotrafiquants. Oui, la Ndrangheta, c'est une des quatre grosses mafias italiennes. C'est la principale, on parle tout le temps de Calabre. Sicilienne, mais elle a perdu un peu de poids par rapport à sa cousine calabraise. Effectivement, on dit que c'est parmi aujourd'hui les plus gros opérateurs en Europe du trafic de coke. Mais il n'y a pas que, il y a des groupes émergents, notamment dans les Balkans aujourd'hui, en Serbie, notamment au Monténégro, avec des gens qu'on voit très souvent en Colombie, au Pérou, au Bolivie, au Brésil, et qu'on arrête avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de coke. Ouais. Bien, donc le trafic continue un peu partout. Il n'est pas prêt de s'arrêter, on estime à 250 tonnes de cocaïne apportées par an en Europe. Ouais. Merci, en tout cas Jérôme Pira, auteur avec Marc Le Plongeon du livre intitulé L'affaire R cocaïne au seuil. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, R cocaïne, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.